Laisse-nous passer, qu'on foute le speul. On est là pour ça, mec. On tient la tôle du bloc, au rail à Pérec. Ça passe ou ça casse, on garde le sourire. La merde ici, on bénit le pas de la fortune. Qu'il en soit ainsi, et comme Cage, ni collage, ni crème, on collal. Si ça part en testos, irait à Vegas, me claquer au pollen. On prend les devants, faut tout arracher. Ici bas, j'aime des quartiers. Mais on serre les larmes pour une fois. J'ai rien à perdre, une seule vie, et je compte bien la fourrer. Ensuite, en fumer une à la santé de ma famille et mon bébé. Rien à foutre, on peut arrêter un BM en pleine course. Les BPM, on est seul contre tous. À smoke et la FM, smoke et du lendemain, smack et des frangines. Smat et quelques films, écrire l'album, il faut qu'elle tue les rimes. On baisse sans peser et on baisse sans même le savoir. Notre vie, faut la savourer comme un bon vin du terroir. Les mecs du quartier demande-leur, tous scotchés au trottoir. Expérience, la vie nasse, bon marché, boulevard. Parqué dans une gare, wow, scotch les bons jours. On laissera jamais tomber, combien en commune par jour à la bonne franquette. Moi et mes partenaires au déo de nuit, face au jour, micro trop longtemps sans voir un pénis. Notre chance présente, d'après toi qui on représente. À part notre gueule, celle des nôtres, la vie veut parquer dehors sous une tente. Mon bloc est paré, je le répète qu'on va pas lâcher. Faites du bruit ici, c'est la clinique, featuring Kazé. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, clinique Kazé en featuring. Mec, ça vient de Paris. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, on fout le feu dans la fosse. Ouais ouais, le show est garanti. Faites du bruit. Ma clinique annonce des requis. Agis en terrain conquis pour sortir du maquis. Faites du bruit. Ce soir, on galvanise les troupes à scoop. C'est le bloc opératoire et casé sur ta route. À l'âge où je m'interroge sur l'intérêt d'être adulé dans un déluge d'éloges. Sur le sens de ma musique, usine à rêve ou machine à fric. Où l'on déroge à son éthique pour atteindre les premières loges. Ma tête se forge en marge, regorge de rage pour ce milieu où l'intégrité fait naufrage. Être digne est une donne que l'on dédaigne. Maintenant on assigne toutes les teignes à suivre les consignes. Mon cœur saigne quand j'entends ce qu'on signe. On fait la part belle aux infâmes, tandis que les vrais sont une partie infime. Sache que la rancune est la plus grande de mes lacunes, et que dans mon âme la haine est à la une. Toutes ces merdes produites sont un business licite. Une vision réduite de la musique qui m'irrite. Et cette vision n'est pas la mienne, ce bise non plus. Je suis sorti du flou en évitant le superflu. Voilà pourquoi je m'isole, car seule mon approche de la musique ne se résume qu'à ma sale gueule. Papillon le sait, Charles le sait, Doom le sait. C'est pour cela qu'on s'associe ici. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, clinique Kazé en featuring. Mec, ça vient de Paris. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, on fout le feu dans la fosse. Ouais ouais, le show est garanti. Faites du bruit. Ma clinique à l'ostérogie, agit en terrain conquis pour sortir du maquis. Faites du bruit. Ce soir on galvanise les troupes à scoop. C'est le bloc opératoire écrasé sur ta route. On roule, sans faire de différence. Que mon BLOC devienne référence. On veut désosser les salles en fermant les yeux. C'est efficace, bref, en bref, défi avec la foule, on met la gouache et fait griller les HF tous. Ensemble, porte du sanctuaire. Que ma clinique soit gradée centenaire. Quelque chose à en dire, commence par te taire. Ma musique adoucit les mœurs, ton nouveau code Mars. Universel, ma famille brille de Paris via la planète Mars. On y est, Kazèche, Paris, mon billet. Qu'a plus de balles naves que de balles neuves dans les barrières. Crier si c'est assez galvanisant, du haut à 10 ans. La foule les plus médisants, on sonnera même dans 10 ans. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, clinique Kazé en featuring. Mec, ça vient de Paris. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, on fout le feu dans la fosse. Ouais ouais, le show est garanti. Faites du bruit. Ma clinique à l'hostile requis, agit en terrain conquis pour sortir du maquis. Faites du bruit. Ce soir on galvanise les troupes, un scoop. C'est le bloc opératoire écrasé sur ta route. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, clinique Kazé en featuring. Mec, ça vient de Paris. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, on fout le feu dans la fosse. Ouais ouais, le show est garanti. Faites du bruit. Ma clinique à l'hostile requis, agit en terrain conquis pour sortir du maquis. Faites du bruit. Ce soir, on galvanise les troupes à scoop. C'est le bloc opératoire écrasé sur ta route. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, clinique Kazé en featuring. Mec, ça vient de Paris. Faites du bruit. Ce soir c'est permis, on fout le feu dans la fosse. Ouais ouais, le show est garanti. Faites du bruit. Ma clinique à l'hostile requis, agit en terrain conquis pour sortir du maquis. Faites du bruit. Ce soir, on galvanise les troupes à scoop. C'est le bloc opératoire.